Siva, Siva, ne me prends pas mon mari. Siva, Siva, ne me prends pas mon enfant. Siva, Siva, ne me prends pas mon ami. Siva, Siva, ne me prends pas ma famille. Il était très chic, il causait le choc. Il signait des chèques, mais il est tombé malade. Il était très chic, il causait des chocs. Il signait des chèques, il est tombé malade. Veille à sida, c'est une maladie. Oui, très, très, très grave. Et quand j'ai pris connaissance de ta sérologie, moi j'ai eu peur. J'étais paumé, fâché, hébété. Et des questions qui se bousculaient dans ma tête. Le comment, le quand, mais avec qui? Le comment, le quoi, le quand, mais avec qui? Siva, ne me prends pas mon mari. Siva, Siva, ne me prends pas mon enfant. Siva, Siva, ne me prends pas mon ami. Siva, Siva, ne me prends pas ma famille. Des questions qui se bousculaient dans ma tête. Mais avec qui? Mais avec qui? Mais avec qui? Mais avec qui? Ça aurait pu être moi. Mais avec qui? Pourquoi tout ça? Raisonnable. Le sida, c'est une maladie comme une autre. Et toi qui es malade, j'ai tendu la main. Je te soutiens. Je ne suis pas seule d'ailleurs. Le sida est toujours là. Préservez-vous. Chaussez-vous pour éviter le choc. Sida, ne me prends pas mon enfant. Sida, ne me prends pas mon enfant. prends pas mon mari. Sida, sida, ne me prends pas mon enfant. Sida, sida, ne me prends pas mon ami. Sida, sida, ne me prends pas mon famille. Abstinence, fidélité, préservatif.